sur le 96.2 si vous venez de nous rejoindre, votre émission Groupe Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne jusqu'à 16h30. Cet après-midi quand même avec un superbe titre, Bingo, le titre interprété par Chaba du groupe Équipe. Eh oui, tout simplement. Restez bien fidèles au 96.2 la très bonne radio pour le maximum de soleil. On va continuer comme ça avec une nouveauté. La demoiselle s'appelle Mel. Le titre, c'est Premier Amour. Et puis, tout de suite après, bien, moi, je vous proposerai une grande, grande séquence de Zouk Rétro. T'avais pas vu, t'as pas changé, toujours le même sourire. 14h, 16h30, c'est Chantal qui vous accompagne. Très très bon après-midi en ma compagnie. Je ne vois plus personne depuis des mois. Je sors d'une histoire, mais c'est loin de moi. Et toi, dis-moi tout, je veux tout savoir. Pourquoi je ressens ce je ne sais quoi? On se retrouve, dis-moi pourquoi. Mon enfance et toi se manquent depuis toutes ces années. Tu me manques, je repense à nous cette époque. Peu en chaque jour, je deviens folle. Il a fallu que l'on se frôle. Ouais, tu me manques. Je sais qu'à moi souvent tu repenses. Tu te demandes à mon rôle et mon sauteur. J'ai vu dans tes yeux cette étincelle. J'ai mal au cœur. Tu disais que j'étais celle qui te faisait rire. Soleil. mais c'est tant mieux. C'est un peu comme le premier soir, mais c'est grisant. Nuit Caraïbe, le volant de ta musique. quand souvenir avec Tony Chasseur, avec Danser Soleil, et puis suivi de Bisous Sucrés. Je vous avais promis des nouveautés. Eh bien, tout de suite, on va continuer avec l'actualité. C'est dommage, avec Criolla sur le 96.2. Qui vaut mille mots, et c'est juste ça qui est blessé. Avant vivre et d'où aller, on t'a dit la vie ou la jeune, qui ont été naïfs, qui ont été remémorés, qui ça va que j'en vive ou encore. C'est dommage pour le monde, la vie m'a fait. We'll be right back. de mes lèvres. de séquence souvenir dans votre émission Groupe Tropical cet après-midi. Et on voit la une avec Stevie. C'était. J'ai des sentiments pas faciles de parler avec le masque quand même. C'est pas évident. Bien, sur le 96.2, la musique continue. Mais là, cette fois-ci, avec quelque chose de plus récent, monsieur Albéric Louison, et c'est My Love. Chantal, je vous accompagne avec votre émission Groupe Tropical. Malgré toutes les vicissitudes de ma vie, j'ai longtemps, longtemps cherché le bonheur. J'ai toujours fait confiance au Créateur. Même si la vie m'a souvent déçu, j'ai longtemps, longtemps cherché le bonheur. Rien n'a été facile, je l'avoue. J'ai longtemps, longtemps cherché le bonheur. Thank you. ka koule Mwen di bizou mou avanse Video sa ka koule Mwen di bizou mou avanse Baby, I need you l'instant présent n'a pas de rêve. émission Groove Tropical. Je vous ai promis un maximum de musique rétro, et bien oui, des séquences souvenirs comme ça. Le duo Willy Berver et Jim Rama avec ses trois fautes. Puis on va pas s'arrêter là, hein. On est là jusqu'à 16h30 pour le meilleur de la musique, hein. Qui nous vient de la Caraïbe, bien sûr. Wakalao, wakalao, wakalao. essentiel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. C'est qu'on a difficile, mais nous t'es tout un challenge. Son sacrifice t'es choisi faire. Pour nous qui croient en nous, qu'est-ce que t'es dit, ma capable? Qu'est-ce que t'es dit, son folie? Qu'est-ce que t'es déclaré? Yo, papa, moi, si moi. Mais grâce à te la quête, de jour en jour, plus mauvais, nous pas ralentir. We'll be right back. que j'ai choisi. J'suis fan de toi et tes caresses. Tout ça me fait perdre la tête. Tu m'émerveilles. Tu es ma vie, mon tout, mon soleil. Je ferai tout pour toi. Je suis prête à tout. De combler mon amour. Je serai prête à tout. Avant nous faire bêtises, yes bêtises. Émission Groupe Tropical cet après-midi. Jean-Luc Bialel, bien sûr que vous aviez reconnu avec un petit clin d'œil à une amie qui nous écoute dans l'Eure-et-Loire. Coucou Mirella, rien que pour toi. Jean-Luc Bialel. Ce soir, je vais envoyer un bonjour spécial et un bonsoir spécial pour le père de Georges Decimus qui est ici avec nous ce soir. Ok? Merci, thank you. Pierre, Edouard et Georges et toute la famille. Okay. Maintenant. Une autre séquence souvenir avec le groupe, je ne l'ai plus en tête, malheureusement. C'est ok. Tant que Georges, si ils n'ont pas qu'à chanter, oh, ça va mal. Nous avons arrêté et nous avons tué ça. Volte-face, bien sûr. Aïe, aïe, aïe, il est bas. Les fanatiques jusqu'à 16h30. Est-ce que ça va? Amusement. Pour maman, amusement. Sur le fond. Comme tu es tout partout. C'est l'eau qui a du temps. la ri fatal mwen ka oule ale mama ay mama ay mama mama toto se sa ou di mwen pou fè ay papa ay papa papa toto se sa ou di mwen pou fè mwen ka desan mwen ka monte mwen ka desan patyans, li menm ka emre. Maman nou tout, se fan, ou di menm san, nou tout li menm ouye. Sa ki yon lè, pa ka mouye, ou sa ka pou fè. E swa disan, yeah. amour pour vous. On se prend pas la tête. Quoi qu'il arrive, on va quand même faire la fête. On se bat tous ensemble, tout ça pour qu'on fête. Je vais pas satisfaire tout le monde sur la planète. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Et pourtant nos mots sont passés. Pour tout compte c'est l'allié. Parce que musique ça son mouvement masse. C'est pour toute classe lié. Si on est qui vient d'abord la chier. C'est pas la place lié. Tous ces en médicaments. Pour ça pas content. Ça qui fâche à pas les mal. Nous pas découragés. Dans le travail vous faites tout. On se prend pas la tête. Quand qu'il arrive, on va quand même faire la fête. On se prend pas tous ensemble, tous ces faux prophètes. Je passe à distraire tout le monde sur la planète. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Tout pays à watch ya, balancez avec OK. Prends forme de tout, pas quitter problème, pas problème tendez. Je tiens l'autre jour, qu'est-ce qu'on pose pour voir où ça le bouge. Prends forme de tout, même si y a pas les quitter on parlait. Prends forme de tout, la sage nous là. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Quand il arrive, on va quand même faire la fête. On se bat tous ensemble, tout ça pour qu'on fête. Le pas satisfaire tout le monde sur la planète. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Oui, toute la journée, je suis dans ma gade. Voisin capé, parlez-nous mal. Papa, j'aime avec j'aime travail. Nous pas suspendre, faire mon bagaille. Je l'allais là, y'a pas j'aime comprendre. Monsieur, là, y'a pas ce qui s'est fait bac. Nous-mêmes, nous là, y'a fait des bacs. Nous-mêmes, y'a là, y'a fait rablabla. Y'a parlé, y'a parlé. kontinue. Wè santi ou ka l'eklose. We'll be right back. sou ap ap noye jeri. Fini par m'oublier. Je me doutais pas non qu'un jour tu pourrais y parquer. Jour et nuit tu es dans mes pensées. Je suis déboussolé par ton corps, ta beauté. Je me sens désarmé. Je suis tes yeux, je me sens fou, je suis amoureux, je veux à tout prix être l'homme de ta vie. Je suis déboussolé par ton corps, ta beauté, je me sens désarmé. Je suis déboussolé par ton corps, ta beauté, je me sens désarmé. J'ai prié, oh là où il est, faut qu'on fasse moi. chaque fois j'y pensais. Mes peurs et tes mots m'angoissaient. Pourtant tous les deux nous étions si parfaits. Aujourd'hui je sais tu es un homme imparfait. Je m'éloigne, je déclare forfait. Tu es un homme imparfait. Je m'éloigne, je déclare forfait. You bless my soul. You Kosa la voyage. Oui, on y va. On y va. Faire plaisir. et manquer qu'on m'aime, pour nous toujours bien. S'il faut moins crier, l'unité manque faire, un bout d'entier moins, car brûler comme moi, et manquer pour Dieu. Chacun dans les années 90-2000, Éric Guirial et Orlan avec ce titre pas fait moins la peine sur le 96.2. C'était la fin de votre séquence petit rétrozouk qu'on a eu le temps de déguster tout au long de cet après-midi dans votre émission Groupe Tropical. Groupe Tropical qui se termine et que vous retrouverez jeudi prochain, même heure, même endroit, 96.2 ou sur internet, arc-en-ciel 96.2. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. On va finir avec un petit peu plus de gaieté, enfin un peu plus de gaieté, non, parce que tout est très joyeux, mais un peu plus de gaieté dans ce triste monde quand même en ce moment, on n'est pas gâté, avec une belle reprise de Luc Léandri, rien que pour les fanatiques de Luc Léandri justement, qui a repris ce titre tout dernièrement avec du très très bon son en bas, Cocolard. Allez, très très bonne soirée sur le 96.2. Je vous retrouve jeudi, 14h, 16h30. Très très bon week-end à vous. Portez-vous bien. Merci de votre fidélité. Bye bye. Et toute la soirée. Oh, Akembo. En bas Kokola. Oh, Akembo. En bas Kokola. Oh, Akembo. Toute la soirée. Oh, Akembo. En bas Kokola. Oh, Akembo. Tant la page changée. Oh, à où j'ai mouillé. Si toutefois nous engagés, faut pas nous faire des bidous. En dans ses côtés. J'irai commencer aïe aïe toute la soirée. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.